franceinter.fr. Marins de toutes les mers, aviateurs de tous les ciels, artilleurs, fantassins, cavaliers de tous les pays, tués par la guerre, je vous appelle. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. XIV-XVIII, la mobilisation économique. Toute la France s'ingénie à fournir à nos soldats le meilleur matériel pour écraser le Boche. Ce jeune sous-lieutenant, frais et moulu de l'école supérieure d'aéronautique, vient présenter à Georges Guynemer, l'as des as français, que nous voyons ici accompagné de sa ravissante marraine de guerre, la comédienne Yvonne Printemps, une hélice révolutionnaire qui va sans nul doute contribuer à débarrasser notre beau ciel de France des derniers boches qui l'enlaidissent encore. C'est Dassault. À l'époque, il s'appelle Bloch. Il a 23 ans. Dassault, déjà, il y a même eu un moment un sous-secrétariat d'État aux inventions. Mais au départ, en 1914, aucun des dispositifs économiques nécessaires à une guerre de longue durée n'est au point. Il ne s'agit pas seulement d'organiser l'agriculture et le commerce. La guerre est maintenant industrielle. Le peuple habile des machines, que chantait Apollinaire avant 1914, devient une armée. En 1915, est créé en conséquence un sous-secrétariat d'État, encore un, à l'artillerie et aux munitions, qui devient ensuite le ministère décisif de l'armement. Mais, note François de Vindel, le porte-parole du comité des forges, l'État ne peut se substituer aux entreprises, force lui est bien de se servir des moyens qu'il a à sa disposition. Le socialiste Albert Thomas, qui au gouvernement jusqu'en 1917 coordonne l'effort productif, choisit donc un fonctionnement contractuel. Il conclut secteur par secteur des pactes de responsabilité avec les chefs d'entreprise. Ensuite, il veille, dit-il, à une rémunération équitable pour les patrons, mais aussi pour les salariés mobilisés. Opération acrobatique, comment maintenir un esprit de justice républicain au temps d'obus roi. Gérard Vint, bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Vous avez noté, comme moi, que dans la profusion des publications, des initiatives, des événements liés au centenaire de la Grande Guerre, on s'intéresse surtout à l'intime, mais alors pas du tout à l'économie. Oui, c'est peut-être une tendance, je dirais, de l'historiographie en général, et qui touche, y compris l'historiographie de la Grande Guerre, en fait, plus d'histoire culturelle que d'histoire économique et sociale. Mais enfin, on essaye quand même de maintenir ce flambeau. Alors, piqûre de rappel, dans le mensuel Alternative économique, avec lequel nous aimons travailler, dans le numéro du mois de mars, un article que vous signez sur l'économie de guerre. La récolte, commençons à l'été 14, la récolte, on n'a même pas imaginé qu'elle puisse pourrir sur pied. Il va falloir, c'est la première des priorités, avant même celle des munitions, qu'on ne réalisera que quelques semaines plus tard, assurer le ravitaillement des civils et des militaires. Absolument, cette question du ravitaillement se pose dès août 14. D'ailleurs, il y a un appel du président du Conseil, Viviani, aux gens des campagnes et aux femmes françaises pour qu'elles rentrent les récoltes. Il y a une affiche où il dit « La moisson est inachevée, le temps des vendanges est proche, mobilisez-vous sur le front du travail, comme vos maris et vos hommes sont mobilisés sur le champ de bataille ». Donc c'est un enjeu absolument majeur. Il faut nourrir le soldat aussi. Il faut nourrir le soldat. Et donc il y a à la fois, je dirais, l'agriculture française qui est mobilisée, mais on verra que ça ne suffira pas. Il faudra importer aussi, ce sera une des tâches du ministère du Commerce, d'importer de la viande, d'importer du blé. Il faudra aussi fournir à la roulante hein, à la cantine des soldats et aux soldats en opération, lui fournir des rations. Il y a toute une industrie alimentaire qui participe à l'industrie de guerre, notamment l'industrie des conserves, par exemple, ou bien aussi l'industrie fromagère. Hein, on fournit du camembert aux soldats, hein, du Cantal. Donc, ça fait partie de l'industrie de guerre, d'une certaine manière. Je retiens le mot camembert plutôt, si vous le voulez bien. Nous sommes ici dans Les Dames de la Côte, la série télé de Nina Campanese. Et on est entre Camembert dans l'Orne et puis les industries, enfin, encore un peu artisanales, de Villedieu-les-Poêles dans le Calvados à la fromagerie. Et ça marche bien la fromagerie dans Les Dames de la Côte, hein? Ça marche bien, d'ailleurs, il y a un patron fromager qui fait fortune, enfin, dont dans les affaires marchent bien. Mais la maîtresse de maison tient l'affaire, quand il n'est pas là, quand il se retrouve au front, à peu près comme elle peut, sauf que... Entrez. Je suis venue vous habiller, madame, et puis je vais partir. Explique-toi. Je veux pas rester ici. Je veux pas être domestique, ça sert à rien. Je veux servir à quelque chose. Et à l'usine, à Villedieu, ils embauchent. Pour faire des obus et puis tout ça. Ils ont besoin de monde. Si tout le monde fait comme toi, nous serons dans le boudrin. Si je dois faire le ménage, qui ferait marcher la fromagerie? Enfin, je pense que tu pourrais réfléchir quelques jours. Non, madame. Je sais que les salaires des ouvriers dans les usines de matériel de guerre sont plus importants que ce que je te donne. Je suis prête à te payer davantage, si par hasard c'est ça qui te détermine. C'est pas une question d'argent. Il faut bien qu'on la gagne, cette guerre. Il faut bien que tous ceux qui sont morts soient pas morts pour rien. Alors, dans les productions éditoriales de cette année, pas mal de livres sur les femmes. L'imagerie, garde-mémoire, des munitionnettes, les femmes qui rejoignent les industries mécaniques, comme la bonne de la fromagerie des Dames de la Côte. En fait, expliquez-vous, elles sont accompagnées de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Oui, alors il y a une réalité quand même de la montée en puissance de l'emploi féminin. Les femmes ont toujours travaillé, certes, y compris dans l'industrie. Hein. En 1913, elles sont 480 000 à peu près dans l'industrie. Et en 1917, elles sont 620 000. Disons que ça a augmenté d'un tiers à peu près. Hein. Ce n'est pas aussi considérable qu'on l'imagine aujourd'hui. Voilà. Hein. Et si on regarde, alors par exemple, chez Citroën, hein, Javel, la nouvelle usine d'obus installée par Citroën, il y a 60% de femmes. Bon, mais si on regarde, par exemple, l'industrie d'armement à la fin de la guerre, au moment de l'armistice, il y a à peu près 1 700 000 ouvriers. Sur ce total, il y en a 500 000 qui sont des gens qui sont mobilisés dans les usines, des affectés spéciaux dans les usines. C'est-à-dire des gens qui avaient parfois été au front et qu'on a rappelés à cause de leur capacité particulière. Oui, hein, essentiellement cela. Il y a 400 000 ouvriers civils. Hein, qui ne sont pas soldats, qui n'ont pas un statut de soldat, 400 000 femmes, 130 000 jeunes de moins de 18 ans, qui ne vont pas encore à la guerre et qui vont avoir la chance d'y échapper, puisqu'on est en 1918, 100 000 étrangers. 100 000 étrangers. 100 000 étrangers, des gens qu'on est allé chercher, par exemple des Chinois, pour ne prendre qu'un seul exemple, hein, mais aussi des Grecs, des Serbes, différentes, et puis des coloniaux, bien sûr. Hein. Il y a à peu près 60 000 coloniaux, ajoutant à cela 40 000 prisonniers de guerre, 13 000 mutilés. Donc vraiment, on cherche à recruter des travailleurs. Il y a une soif de main-d'œuvre et qui concerne la main-d'œuvre féminine, mais pas seulement. Donc les veuves sont encouragées à épouser des mutilés, les mutilés sont encouragés à aller travailler dans les usines. Il faut voir que l'urgence est très grande parce que des sites importants de fabrication ou des lieux de ressources naturelles sont occupés par les Allemands quasi continuellement pendant la Grande Guerre, je pense au nord de la France. Oui, absolument. Hein, là, et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, hein, cette occupation d'une partie nord et nord-est de la France. Lille, par exemple, est occupée pendant toute la guerre. C'est bien décrit par Maxence van der Merch dans un roman qui s'appelle Invasion 14. Hein, il y a toute une. Il faut penser à cette France occupée, même si c'est pas d'elle qu'on parle essentiellement aujourd'hui. L'organisation de la production industrielle, venons-en maintenant à la façon dont les choses sont régies par l'État et réfléchies dès Bordeaux, où le gouvernement est réfugié toute la deuxième moitié de 1914 par un socialiste ou un ancien socialiste, Alexandre Millerand. Et on va trouver au poste de sous-secrétaire d'État à l'artillerie et aux munitions. Ça va devenir un grand ministère, un ministère absolument central. Un autre socialiste à partir de mai 1915 qui s'appelle Albert Thomas, qui a une personnalité assez étonnante d'ailleurs. Albert Thomas, c'est un socialiste tout à fait intéressant, à la fois très discipliné, c'est un homme du parti, mais c'est un réformiste affiché. Il s'est illustré notamment dans ce qu'on appelle le socialisme municipal. Il a été maire de Champigny-sur-Marne, c'est une figure historique de cette commune de la banlieue parisienne. Qui vous est chère. Qui m'est chère personnellement. mais c'est... et donc c'est quelqu'un qui vraiment fait partie des gens... farouchement partisan de cette fameuse union sacrée. Et donc, il va prendre en main ce sous-secrétariat, puis ce ministère de l'armement. Il va, comme vous l'avez dit dans votre introduction, mettre sur pied des groupes de fabrication où il demande au patronat français, qui n'a pas une tradition d'organisation, de s'organiser par branche pour avoir des interlocuteurs efficaces. Et, il y a donc, quand même un endroit... qui est habitué à l'organisation dans le patronat, c'est le comité des forges. C'est le comité des forges. C'est la grosse différence avec l'Allemagne. Son homologue allemand, Walter Rathenau, qui organise dès le début de la guerre l'approvisionnement en matières premières en Allemagne, a le contact avec des cartels. Là, en France, le seul cartel vraiment puissant existant, c'est le comité des forges et son dirigeant, avec Robert Pinault, qui est quelquefois qualifié de ministre officieux de la guerre par un certain nombre de critiques de l'époque. Mais là, il y a une organisation vraiment de la sidérurgie française, oui. C'est-à-dire que la logistique est pensée, que les rémunérations sont imaginées et qu'il y a aussi des visites d'inspection, j'imagine, de la part du gouvernement. Parmi les commissions qui se réunissent régulièrement, il y a des commissions aussi dans le domaine automobile. Louis Renault, par exemple, il est de toutes les réunions. Mais avant qu'on entende vanter les merveilles qu'il réalise dans le domaine des chars, place au camion Berliet. Nous sommes dans un des camions Berliet, appelé CBA, qui ont pratiquement soutenu l'armée française pendant toute la guerre 14-18. Marius Berliet avait prévu qu'il pourrait rendre service aux troupes avec cet engin nouveau. Ce camion avait à peu près 3 tonnes. Il avait un moteur de 25 chevaux, 4 vitesses, marche arrière, transmission par chaîne et bandage plein. C'était des moteurs très résistants qui faisaient des pointes à 30 à l'heure, mais dont on pouvait attendre 12 à 15 km dans l'heure en pratique. Et pratiquement, il n'était jamais en panne. Un beau jour, M. Renault nous dit qu'il faut faire quelque chose d'extrêmement léger. Un petit char de 7 tonnes, avec deux hommes d'équipage, et muni d'un canon de 37 ou d'une mitrailleuse. Si léger qu'on pouvait le transporter à pied d'œuvre à bord d'un camion. Ces chars, évidemment, avaient un gros avantage, parce que Schneider et Saint-Chamond avaient fait un char beaucoup trop lourd, et la carrosserie englobait complètement la chaîne, de façon quand il piquait dans une tranchée, il ne pouvait pas s'en sortir. Tandis que l'idée de M. Renault était de faire un petit char, comme celui qui est là, avec ce qu'on appelle des chenilles prenantes. Aussitôt piqué dans une tranchée, la chenille s'attaquait à la paroi opposée, et on en sortait très facilement. Alors avant... l'ingénieur de Renault, un officier qui vantait les mérites de Berliet, tout ça est extrait de L'Auto s'en va en guerre. C'est une émission de la première chaîne de télévision d'autrefois. Personne ne raconte que la taylorisation est la rançon de ses réussites. Partiellement, c'est-à-dire qu'il y a des industries qui sont clairement taylorisées. La fabrication d'obus dans des grandes entreprises, l'exemple de Citroën est emblématique. Ça, c'est, vraiment, il y a une application du travail à la chaîne. On va le retrouver aussi dans des ateliers de fabrication de masques à gaz. Par exemple, Michelin, qui est un taylorien militant, met sur pied un atelier de fabrication de masques à gaz taylorisés. Il y a des portions, je dirais, de fabrication dans l'automobile qui commencent à être taylorisées, mais ça reste quand même extrêmement timide. Parce que Blaise Sandrard, on parlera demain de la littérature de guerre, explique que dans les tranchées, il manque juste une sirène d'usine et une pointeuse. Les usines sont un peu les tranchées quand même. Elles aussi. Oui, c'est la défense du pays. D'une certaine façon, mais là, vous parlez de l'organisation et de la discipline du travail, la sirène, l'horloge, etc. Ouais. C'est très présent dès le 19e siècle, avant l'organisation, ce qu'on va appeler la rationalisation de la production. Par exemple, chez les Schneidre, qui étaient déjà cités il y a un instant, et dont vous conviendrez, vous n'avez pas discuté ce point de vue-là, qu'ils fabriquent le meilleur canon de l'époque, le 75. Cette fameuse suprématie du 75, c'est une relative réalité dès lors que les troupes sont en mouvement. C'est un petit peu moins vrai, semble-t-il, d'après les spécialistes, j'en suis pas un, en ce qui concerne l'artillerie de guerre de position pour pilonner, écraser la tranchée adverse, écraser les fils de fer barbelés pour permettre l'assaut. Comment ça ? Soixante-quinze, ce mignon petit joujou. 75, ce canon-là c'est un bijou. Quand il tire, il ne rate jamais son coup. On peut le dire, le 75, ça c'est à nous. Vous avez certainement, messieurs les Allemands, inventé de très colossales machines avec lesquelles, j'imagine, vous pensiez terroriser les braves gens. Vos hangars étaient pleins de taupes et de zeppelins qui tuent si bien les enfants et les femmes. Enfin, comme ultime réclame, vous aviez le 420. Mais nous avons, dans tous les cas, n'oubliez pas, 75, ce mignon petit joujou. 75, ce canon-là, c'est un bijou. Quand il tire, il ne rate jamais son coup. On peut le dire, le 75, ça c'est à nous. Le 75, ça c'est à nous. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Avec Gérard Vint qui publie un article sur la mobilisation économique pendant la Grande Guerre dans le numéro du mois de mars d'Alternatives économiques. C'était dans une interprétation de Luc Barnet en 1962, un des grands succès de la chanson de la Grande Guerre, dont je dois dire en effet que les paroles datent de 1915 et qu'elles sont peut-être vieillies en 1916 ou en 1917. Tout de même, le peintre Fernand Léger dit, voyant les culasses des canons de 75 briller au soleil, elles m'ont plus appris sur mon métier de peintre que tous les musées du monde. Et les trois quarts des blessures, vous parliez des obus infligés pendant la Grande Guerre, le sont par des obus, et notamment des obus de 75. Qu'est-ce qu'on met dans les obus, d'ailleurs ? C'est là qu'il faut parler, maintenant, de l'envol des industries chimiques. Oui, donc c'est produire des obus, hein, c'est un des actes majeurs de l'industrie de guerre. Il y a plus de 200 entreprises qui participent à la fabrication d'obus, tellement les besoins sont grands. Et évidemment, dans ces obus, il y a des différents explosifs. Et il y a un essor, effectivement, de l'industrie chimique. Il y a des entreprises chimiques qui prospèrent grâce à la fabrication d'obus, à la fabrication aussi de gaz de combat, hein, il ne faut pas oublier cela. Et on a Kuhlmann, on a Saint-Gobain, on a Alais et Camargue, la future Pechiney, qui produisent différents explosifs. On a une usine qui se trouve pas très loin de Chamonix, à Chède, hein, qui fabrique un explosif et un gaz qui porte un nom, qui s'appelle la Chédite. Hein, donc, il y a tout un essor de l'industrie chimique dans différentes régions de France, d'ailleurs. Puisque vous parlez régions de France, on peut faire une géographie. S'il n'y avait pas l'Île-de-France, on ne tiendrait pas. Ah, il est certain que l'essentiel de l'industrie de guerre est concentré en Île-de-France. Il y a eu des industries d'ailleurs qui pouvaient être auparavant dans l'Est ou dans le Nord qui se sont repliées sur l'Île-de-France. L'industrie automobile est massivement en Île-de-France. Il y a aussi la région lyonnaise. Hein, il y a aussi la région de Saint-Étienne, Saint-Chamond, le Creusot, toute cette bordure Est du Massif central. Et puis partout, il y a un petit peu de sidérurgie quand même. Il y a un essor aussi de l'industrie, par exemple, à Toulouse. C'est une ville qui comportait 150 000 habitants au début de la guerre, qui en a 220 000 à la fin. Hein, dopée, déjà grâce à l'aviation. En partie. Il y a la poudrerie, qui est la plus grande poudrerie de France. Il y a aussi, il faut penser... Ça, c'est une poudrerie d'État. Oui. Il y a, Albert Thomas a beaucoup développé les poudreries et arsenaux d'État, hein, lorsqu'il était donc au ministère de l'Armement. Oui, mais il aime bien aussi faire sa place, si c'est bien organisé, au privé. J'en reviens à Toulouse et à l'aviation. La TECOER, c'est à Toulouse. Mais, en effet, Breguet, qui construit 5500 Breguet 14 pendant toute la guerre... et qui est rapatrié de Douai, c'est à Ville-la-Coublay. Vous avez parlé de l'envol des industries chimiques. Est-ce qu'on peut parler d'une autonomisation, j'aurais mieux fait de dire envol, de l'industrie d'aviation ? Ah oui, il y a visiblement, on pourrait dire aussi un décollage de, l'industrie d'aviation, hein, la TECOER, Farman, Voisin, Caudron, et puis on voit poindre effectivement les tout débuts de Marcel Bloch, Marcel Dassault, hein, qui met sur pied une société d'études aéronautiques, une entreprise en 1917. Il a une commande qui n'ira pas au bout parce que la guerre s'arrête avant. Non, il y a un essor, et puis il y a un essor aussi de l'industrie du moteur d'avion, hein, Hispano-Suiza, Gnomerone... Mais il y a aussi des résistances de la part des scrognonieux. Voici ici encore un reportage de la télévision, un reportage historique de la télévision reconstitué des années 1960. L'état-major qui, alors que l'aviatique allemand fait des dégâts, hésite sur les inventions nécessaires qu'il faut faire en matière aéronautique. Savez-vous le fameux joli ? J'ai vu vos films avant la guerre. Hein. C'est bien. Très bien. Commandant Delépine. Excusez ma tenue, mon commandant. Député Bénard. Enchanté, monsieur le député. Nous avons les problèmes, Joly. Monsieur Bénard veut bien s'y intéresser en tant que rapporteur du budget de l'armée. Les aviatiques nous mènent la vie dure, Joly. Dans un mois, on ne pourra même plus décoller. Notre artillerie sera aveugle. Cette supériorité, il nous faut en convaincre l'état-major. Tous des vieilles barbes. Voilà l'idée. Vernon décolle sur un Newport et tâche d'accrocher un aviatique. Oui, ça ne devrait pas être bien difficile, hein, il recherche sans arrêt le contact. Dabert a décollé à 2 minutes sur un G3 d'observation. Vous êtes sanglé derrière lui avec votre caméra et vous filmez. Malgré la protection de Vernon qui revient sur l'aviatique, Dabert est touché. L'opérateur Jules Joly ramène son pilote et sa pellicule dans nos tranchées sous un tir croisé de mitrailleuse qui interdit toute sortie. On les a décorés, ces garçons-là ? Non, mon général. Notez-les pour la Croix de Guerre, Saint-Gilles. Comment dites-vous déjà ? Édouard Dabert, Jules Joly et Vernon. Vous avez gagné, Delépine. Vous aurez vos avions de chasse. Bénard, démanchez-vous un peu pour débloquer ces foutus crédits. Je vous appuierai. On pense toujours à l'avion de chasse avec ça ou ses deux mitrailleuses. Et puis, on peut aussi filmer depuis l'avion de chasse. Mais enfin, il y a l'avion de bombardement... qui permet de bombarder la nuit, l'avion lourd, qui permet de transporter beaucoup de bombes. C'est ça qui s'est peut-être développé de la manière la moins spectaculaire, mais la plus profonde. Et là, il y a des brevets. Il y a même donc, je le disais, un sous-secrétariat, on dirait aujourd'hui à l'innovation, mais oui. À l'époque, à l'invention. Il y a incontestablement des industries, et en particulier l'industrie aéronautique, qui connaissent des progrès technologiques. Il y a des fortes innovations, d'autant plus que la France est en pointe, est un des pays les plus innovants. Donc il y a effectivement les premiers avions de combat, il y a beaucoup d'avions d'observation qui sont demandés par les artilleurs. Et il y a, surtout vers la fin de la guerre, hein, des avions de bombardement. Et là-dedans, il y a des innovations. Vous citiez une hélice tout à l'heure. Hein, l'hélice d'assaut. L'hélice d'assaut. Mais les machines qui permettent de produire tout ça. Alors là, c'est le point faible de l'innovation en France. On est pressé pour produire de plus en plus de machines de guerre, de mitrailleuses chez Hotchkiss, d'obus, etc. Hein, mais le point faible, c'est la production de biens de production, de machines. On n'a pas le temps de le produire, on n'a pas le temps de faire des recherches, on n'a pas d'argent pour ça, ou tout le moins c'est un débat, et on ne le fait pas. Et on achète américain, en fait. Et on s'endette. Ce sera à mettre dans le bilan de l'industrialisation de la France en 1918. Ce qui est très difficile pour Albert Thomas, pour les autres, c'est de maintenir de l'équité pour que l'esprit de guerre commun soit partagé par les chefs d'entreprise qui appartiennent à tous ces comités d'organisation que vous citiez, mais aussi par les ouvriers et par les ouvrières. Les profits sont imposés. Comment ? Il y a d'abord, il y a des profits, effectivement, et des profits assez exceptionnels, dans la mesure où, comme vous le disiez dans votre introduction, l'État n'avait pas trop le choix de ses fournisseurs. Et donc, ces fournisseurs sont souvent en position quasi monopolistique ou oligopolistique pour imposer des prix. Donc, il y a des gros profits. Ça, c'est une certitude. À partir de la fin de 1916, c'est une des raisons peut-être de la multiplication de grèves assez nombreuses, même si on n'arrive pas à estimer très précisément, les archives manquant bien sûr, leur nombre. Voici beaucoup plus tard deux militants, le communiste bien connu Jacques Duclos, on est toujours heureux d'entendre la voix de Jacques Duclos, et la socialiste Mireille Haussmann qui présente ainsi les grèves. Au début de 1917, la sensation d'un danger national donné par l'attaque allemande contre Verdun avait disparu. Les soldats discutaient beaucoup. Les permissionnaires faisaient état de l'enrichissement scandaleux de trafiquants pour qui la guerre était une bonne affaire, de la vie de plaisir que certains menaient à l'arrière et des grèves qui se déroulaient. Des grèves avaient éclaté dans des usines de guerre de la capitale et d'autres dans le bâtiment. En janvier 1917, Descousette avait fait grève pendant deux jours. En avril 1917, de nouvelles grèves avaient éclaté dans les usines de guerre, la couture, le bâtiment, et l'entrée dans la lutte de ces travailleuses était d'autant plus importante que le nombre des femmes entrées dans la production était considérable. Femmes, révoltez-vous contre le capitalisme engendreur de guerre. Entraînez vos fils, vos maris à lutter contre lui. Inculquez à vos enfants l'esprit de révolte qui les empêchera de plier aux ordres du maître. Il est détruit le moule de ces mères antiques qui se glorifiaient d'avoir donné le jour à un héros tombé sur un champ de bataille. Il est détruit le moule de ces femmes qui préféraient la mort de leur fils à la défaite de leur pays. Eh bien, de la socialiste et de Jacques Duclos, là, c'est Jacques Duclos qui ne ment pas. Parce qu'au fond, en 16-17, ce ne sera pas toujours la même chose en 18. Les motifs de grève, c'était... Les rémunérations. Oui, c'est d'abord la vie, contre la vie chère, une augmentation des rémunérations. C'est l'organisation du travail. C'est des problèmes de travailleurs, en quelque sorte, soumis quand même à des pressions importantes, à des cadences importantes, et donc au rationnement, à la vie chère, etc. Il va y avoir des réponses quand même qui sont données, d'autant qu'il y a un syndicat qui s'appelle la CGT, alors qui est un peu divisé, qui est peut-être moins influent qu'avant la guerre, qui est dirigé par Léon Jouhaud. Mais Léon Jouhaud a de l'influence sur quelqu'un comme Thomas. Il discute sur les conditions de travail, sur le temps de travail, sur les salaires. Et ils arrivent parfois à imposer quand même des améliorations de ces conditions de travail et des salaires. Élection de délégués. Alors ça aussi, c'est vraiment 1917 à la suite des grèves. L'État met en place des commissions d'arbitrage, l'obligation d'élection de délégués dans les usines d'armement. Et ça, c'est effectivement tout à fait intéressant. Création des surintendantes d'usines. Il y aura même, pour veiller à la santé des femmes au travail, il y aura même un sous-secrétariat d'État aux conditions de santé au travail. Ça laisse peut-être des traces dans la titulature gouvernementale, tout ça, mais les traces de cette économie organisée de la guerre après-guerre. Après-guerre, les traces sont importantes. D'abord, de même qu'il y a eu des profiteurs de guerre, il y a des profiteurs d'après-guerre. Mais là, on n'a pas le temps d'en parler. On n'a jamais le temps de parler des profiteurs de guerre. Partons de ce principe. Et il y a surtout le gros point, je dirais, sur le plan économique, c'est l'endettement de l'État. Ceci dit, il y aura aussi des conséquences sociales. On peut citer... Une conséquence, tout de suite, c'est la loi sur les 8 heures de travail en 1919. C'est un remerciement, en quelque sorte, à la classe ouvrière. Qui avait vu rallonger son temps de travail, avec même le travail le dimanche. L'émission évoquait donc votre article dans Alternative économique, le numéro de mars. Sera suivi troisième épisode demain par une émission consacrée à l'écriture de guerre avec Antoine Compagnon, puisque je cite de grands noms. Antoine Compagnon, le réalisateur, Jacques Cigale, la technique Henri Bérec, la préparation Elinka Negulesco, Frédéric Martin et Franck Olivard.